Chapitre 9e, Monsieur Ramirez. Ce matin, le juge Cassard, impatient, m'appelle. Aïe, aïe, aïe, qu'est-ce qu'il va encore me sortir? Alors, Volpi, qu'est-ce que ça a donné, votre appel à témoin? Pas grand-chose, monsieur le juge. Vous comprenez, ce n'est pas facile, car dans l'appel, on a simplement demandé si les gens avaient remarqué quelque chose à cet endroit-là, entre 19h et minuit. De plus, beaucoup passent par là plusieurs fois dans la semaine. Nous avons essayé de concentrer nos questions sur les véhicules lourds, de préférence. Et alors? Il y a un gars qui nous a dit qu'il avait vu un tracteur garé sur l'aire de stationnement à l'endroit de l'accident, mais il était incapable de nous dire le jour. Et il a pu le décrire, le tracteur? Il est rouge, comme la plupart des tracteurs. Le témoin n'a pas vu s'il avait une personne à proximité. Bon. De toute façon, le rouge n'est pas la bonne couleur. Et puis, quoi d'autre? Une deux chevaux camionnette. Un peu léger pour pousser notre bagnole, non? Et puis un vieux GMC. Ah, très bon ça, un GMC. Il n'y avait pas d'autres véhicules à côté du GMC? Le témoin ne s'en souvient pas. Le camion était de couleur indéterminée, peut-être dans les gris. Bon, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire, mon ami. Si le camion est gris, il y a de fortes chances que ce soit le bon. Oui, et j'ai déjà enclenché le processus. Recenser tous les GMC dans un rayon de 50 km à la ronde. J'ai mis ce bon et Mucho sur le coup avec le fichier des cartes grises. Dès que j'ai quelque chose, je vous appelle, monsieur le juge. Deux jours plus tard, comme convenu, j'appelle le juge qui me demande de passer le voir. Cette fois, je suis un peu plus décontracté et détaille le bureau du juge Cassard. C'est une vaste pièce éclairée par deux grandes et hautes fenêtres qui pourtant ne donnent aucune réelle clarté. De plus, les murs sont recouverts de vieilles boiseries et de bibliothèques qui assombrissent encore le décor. Hiver comme été, la lumière doit y être allumée. Dans un coin, le greffier Chautard tape laborieusement sur une machine à écrire qui doit dater de l'Empèbre. Et il est impossible de dire l'âge de Chautard, ainsi que son sexe d'ailleurs. Ce n'est ni un homme, ni une femme. C'est une espèce hybride, imberbe, à la police et blanche, en tout cas très triste. « Une minute, Volpi, et je suis à vous », prévient le juge qui signe des feuillets placés devant lui. Pendant ce temps, je fais le tour de la pièce en curieux. Dans une vitrine trônent des souvenirs militaires de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Quelques vieux véhicules militaires également qui me prouvent qu'une passion commune nous lie, le juge et moi. Voilà, j'en ai terminé. Asseyez-vous, je vous en prie. Je prends place devant le bureau de Cassard et tombe en arrêt devant un objet rare et insolite que je n'avais pas remarqué la dernière fois. Un nécessaire de bureau datant de la Première Guerre. Deux encriers dont les couvercles sont des casques de poilus encadrant un canon de 75 mm pointé vers le haut et dont le fût contient un porte-plume. Le tout en bronze véritable et de belle facture. Le juge me laisse contempler l'objet avec un sourire. Vous n'êtes pas le seul à apprécier cet objet. Je ne sais pas comment il n'a pas encore disparu. C'est un peu gros pour le mettre dans mon blouson, mais c'est tentant. « Vu la façon dont vous habillez, commissaire, je ne croyais pas que vous étiez attaché à ce genre d'objet. Monsieur le juge, je suis attaché à tout ce qui est beau et qui raconte l'histoire des hommes. » Le juge ne répond pas, mais scrute mon visage avec un sourire et une satisfaction évidente. Finalement, c'est vrai ce que dit le proverbe, « la vie ne fait pas le moine », murmure le juge en me regardant par en dessous. J'ai su que vous étiez très bien noté, élément brillant, etc. Vous avez réussi vos concours haut la main. Toujours très bon élève et... rusé comme un renard, commissaire Volpi. Oui, monsieur le juge. Quoique en ce moment, je pédale un peu dans la semoule. Oh, vous allez trouver, je n'en doute pas. Alors, cette enquête sur le GMC, qu'est-ce que ça donne? D'après le fichier des cartes grises, il y en a quatre dans le coin. Un a été transformé en porteur de grues après homologation des mines. Le deuxième sert à tracter les troncs d'arbres. Le troisième est utilisé comme dépanneuse, quant au quatrième, il ne roule plus à cause d'un essieu cassé. C'est tout ? Demande le juge déçu. Oui. Vous savez, ce ne sont quand même pas des véhicules courants. Donc, si le propriétaire est dans le coin, il s'agit forcément d'un des trois premiers camions. Vous seriez gentil de faire prendre ces camions en photo pour les montrer aux témoins. Nous verrons ce que cela donnera. Je l'ai déjà fait, monsieur le juge, je réponds, style bon élève, avec un sourire. J'allais justement vous montrer les clichés. J'exhibe les photos et les pose une à une devant le juge qui les examine. Quels sont ceux qui sont gris? on ne se rend pas compte sur des photos en noir et blanc. Celui-ci est gris, celui qui porte la petite grue. J'ai cuisiné le propriétaire. À l'heure présumée du crime, ce camion était sur un chantier à Miramas. Michaud est parti interroger les ouvriers du chantier pour savoir si le camion a été déplacé ou non. Bien. En attendant, j'aimerais bien interroger le témoin et lui montrer les photos pour essayer d'affiner la recherche. Nous pourrons le convoquer par téléphone. Il tient un bar tabac, pas très loin du palais. Allez-y, faites-le. Je veux le voir le plus tôt possible pour élucider ce point. Je sors mon carnet du blouson et vais décrocher le téléphone qui se trouve sur le bureau du greffier Chotard. Me voyant m'approcher, il s'écarte nerveusement comme si j'étais porteur de la peste. Pendant ce temps, le juge examine les photos et se dirige vers la vitrine qui contient les voitures miniatures. « Voilà, » dis-je en raccrochant. « Le témoin peut venir tout de suite, si vous le désirez. C'est parfait, nous allons gagner du temps. » Je me rapproche de Cassard devant la vitrine. « C'était quand même de sacrées machines, ces engins, » s'exclame le juge. « J'en ai conduit un pendant des kilomètres lors de la libération. » Je garantis qu'il fallait avoir des bras costauds pour ne pas se foutre dans le fossé. Mais quelle puissance! Et en rapport du poids, ils étaient rapides. Tenez, regardez, j'en ai un là. Le juge ouvre la vitrine et sort un modèle réduit de GMC bâché et kaki. Je les connais aussi, ces camions. En Algérie, pendant mon service, il y en avait encore quelques-uns. En Normandie, il y a un tas de carcasses disséminées un peu partout. Pensez, avec l'épaisseur de l'atoll, dans 200 ans, ils seront encore là. Le greffier vient timidement prévenir le juge. « Monsieur Ramirez est là, monsieur le juge. Faites-le entrer. » Un gars d'une cinquantaine d'années, long et fluet, pénètre dans le bureau. « Asseyez-vous, monsieur Ramirez. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes ici en qualité de témoin. Et je vous remercie de vous être déplacé si vite. Détendez-vous. Dans cette affaire, nous nageons un peu. Et votre témoignage est très important. C'est pourquoi je vous remercie encore d'avoir répondu à notre appel si rapidement. » Le témoin Ramirez prend ses aises sur sa chaise et se prépare à parler. « Je vous demande simplement de répondre à mes questions. » Ramirez approuve de la tête. « Pouvez-vous nous dire de manière plus précise l'heure à laquelle vous avez vu le camion en stationnement ?»« Il devait être aux alentours de 19h30 ou 20h. C'est l'heure à laquelle je passe par là quand je rentre chez moi. De toute façon, il faisait encore jour, mais le soleil était tombé. Et la date, quel jour était-ce ? Alors là, je sens un peu plus vague. » « Vu que je passe par là pratiquement tous les jours. » L'homme fait un effort de concentration. « Peut-être un samedi ?»« Parce que le samedi, je rentre un peu plus tôt et je laisse le zinc à Albert. » Cassard me lance un regard satisfait. « Bien. Très bien, monsieur Ramirez. Et maintenant, le véhicule, il était gris, vous dites ?»« Oui, c'était un GMC gris. Et j'ai même remarqué qu'il n'avait qu'un phare. Il était borgne, » dit-il en riant. « Monsieur Ramirez, regardez plutôt ces photos et dites-nous si vous reconnaissez le véhicule. » Ramirez inspecte les photos et hausse les sourcils dans une expression de surprise non feinte. « Mais ces camions, ce ne sont pas des GMC. Comment ce ne sont pas des GMC? Vous plaisantez, monsieur Ramirez. » Le juge se lève brusquement et se dirige vers sa vitrine. « Regardez, monsieur Ramirez, voici un GMC de l'armée américaine. Regardez, c'est écrit dessous. »« Ah, mais non, moi, ce que j'appelle un GMC, c'est pas ça. » J'interviens. « Vous nous avez fait perdre du temps, monsieur Ramirez. » Le juge darde sur moi un regard dur, me faisant comprendre que la faute m'en incombe. « Bon, ne nous énervons pas. Nous allons essayer de rattraper les pédales. Pouvez-vous nous le décrire par rapport à celui que vous avez sous les yeux ? C'était plus gros, plus petit. Plus petit, il n'y avait que deux roues à l'arrière. Il était plus bas aussi. Il n'y avait rien à l'arrière, rien qu'un plateau. En tout cas, c'est un camion utilisé dans l'armée pendant la guerre. C'est comme une Jeep, mais en plus gros. » Les traits de Cassard se détendent. Il semble avoir une soudaine inspiration et se dirige vers sa vitrine. Il en revient avec un autre véhicule militaire. « Regardez celui-ci. » Ramirez esquisse un sourire de satisfaction tout en levant les bras au ciel. « Ah voilà, c'est un camion comme ça, exactement, mais sans rien à l'arrière. »« Bon, au moins un point positif, » s'exclame le juge. « Alors pour votre gouverne, monsieur Ramirez, ce camion-là n'est pas un GMC, mais un Dodge Command Car. » « Je suis désolé, monsieur le juge. Moi, j'ai toujours appelé ce camion un GMC. Mais vous savez, j'étais en Espagne pendant la guerre, et je ne suis pas un spécialiste. Je suis vraiment désolé. »« Ce n'est pas bien grave, monsieur Ramirez, je vous remercie. »« Il ne reste plus qu'à trouver un Dodge gris, » dit le juge en insistant sur les mots. « Nous sommes bien d'accord là-dessus, monsieur Ramirez. C'est ça, monsieur le juge. Vous voyez l'arrière, là? Il est tout plat, il n'y a rien. Nous allons rattraper le temps perdu, n'est-ce pas, commissaire Volpi? Cassard me lance un regard très froid. Chotard, raccompagnez monsieur Ramirez, s'il vous plaît. Chotard s'exécute, telle une énorme souris grise et silencieuse. Je suis dans ma petite Santiago. Il faut que j'essaie de regagner la bienveillance du juge. Je suis vraiment désolé de ce contretemps, monsieur le juge. J'aurais dû montrer une photo à cet homme avant de lancer les recherches. Je vais m'y mettre personnellement, et je vous promets des résultats pour demain. En sortant sur les marches du palais, je me recoiffe soigneusement pour me donner une contenance. Mais bon Dieu, qu'est-ce que je suis mal! Je me demande si je ne vais pas changer de métier et filer à l'autre bout du monde. Cet épisode a fait remonter à la surface le sentiment permanent de culpabilité que j'éprouve depuis ma plus tendre enfance. Toujours ces mêmes questions lancinantes. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait faire? Est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait dire? Et qu'est-ce qu'on va penser de moi? Toujours revenir sur l'acte accompli, comme si c'était forcément un acte manqué. Se poser des questions inutiles et ne trouver toujours qu'une quiétude relative. Mon changement de look forcené n'a rien fait à l'affaire, la preuve. En souriant amèrement, je me dis que le jour où j'avalerai mon bulletin de naissance, je suis capable de me demander si je suis mort comme il faut. Quel con je fais! Seul Chantal sentait chez moi ces passages de doute profond, savait me conforter sans que je lui dise quoi que ce soit. Sylvia comprend, quand je le lui explique. Mais elle n'a pas le feeling suffisamment développé pour sentir chez moi ces phéronomes d'angoisse. Dans le fond, je me dis que je me sentirais mieux si j'avais réellement commis le crime. Au moins, au beau maître, je ne me poserais plus de questions. J'aurais un but, j'attendrai ma sortie et je ferai des projets. Qui se douterait en voyant que j'en suis là? C'est vrai qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête d'un autre, même avec la plus grande imagination.